La main céleste étend son voile doré sur le ciel étoilé. Et un ange aux ailes brisées se dirige vers toi tristement et regarde longuement le firmament et te dit soudain en pleurant: ton heure est venue, toi mon protégé, toi mon bien-aimé. Je vais devoir te tuer. Tu comprends soudain ce qu'il se passe, mais tu ne veux pas regarder la mort en face. L'ange tient fermement le couteau avec lequel, malgré lui, il devra t'ôter la vie. Il ne veut pas t'emporter là-haut, il aimerait que tu sois toujours beau comme tu es ce matin, tenant ton visage contre tes mains. Ton heure est venue, toi mon protégé, toi mon bien-aimé. Je vais devoir te tuer. L'ange lève le couteau et le laisse s'abattre sur toi. En plein cœur, pour que tu ne souffres pas. Il ne peut s'empêcher de pleurer en voyant ton sang couler. Ton heure est venue, toi mon protégé, toi mon bien-aimé. J'ai dû te tuer. Toi je te hais, alors tu dois me protéger pendant tant d'années. Mélange, c'est plus que tout que l'on peut mourir d'amour.